Merci. Je vais inviter un des anciens, ceux qui ont tant lutté pour le voodoo funk, l'afro-funk des années 60-70, un des meilleurs, charismatiques, fraîchement arrivé du pays. Fraîchement arrivé du pays. Très fraîchement arrivé du pays. L'oncle Roger Damouza, sous vos applaudissements. Moi, je suis très content de vous voir et de vous entendre et de vous sentir là ce soir. Vous sentez bon. Lorsqu'on sort d'un bain, on s'en rajoute-tu dans cette eau-là? Oh! On dit ça vient du fleuve. Oh, le fleuve Saint-Laurent. C'est pas de l'eau de l'île d'Orléans là, qui sent la fraise. La bonne fraise. C'est des fraises. Au mois de novembre, il n'y a plus de fraises. Là. Ah, mon Dieu. C'est la pomme qui tombe dans les pommes. Oh, non! Fini. L'arbre, le pommier cherche encore sa dernière boule avant Noël ou son verre pour aller jouer au golf. Bonjour public, comment ça va? 13 novembre. C'est beau. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Je me suis ennuyé, moi. Là, il y a quelques heures, j'étais dans ma couverture. Puis là, je me disais, oh, je vais les rencontrer. C'est super. Puis là, sous la couette, il faisait chaud. J'étais confortable. Je rêvassais, le cheveu au vent. Parce que souvent, je m'en vais dans la terre. Moi, 365 jours par année, un ventilateur. Ventilateur. C'est pas à pédale. Là. C'est pas Raymond qui pédale pour me donner un peu de vent. Il a de la misère à pédaler pour marcher. Lui, ah, man, il pédale pas, il marche pas. Lui, il est sur ce... Non, c'était... Il faut lui pardonner, comme l'autre dit. Il faut lui pardonner. Après un temps... Mais dans son cas, là, c'est que... Il s'imagine que lorsqu'on se place sur un tapis, on se met à voler. Là, il rentre dans les magasins. Il prend des sacoches de vieilles dames. Il prend des bas de nylon. Puis il se met ça sur la tête avec un nœud. Puis... C'était hold up. Pam, pam, pam, pam, pam, hold up, pam, pam, la chanson de Gainsbourg, hold up. Je dis ça, là, il y a quelques mois, quelqu'un, je dis, connaissez, il dit, c'est un imbécile à la caisse, il dit, c'est un hold up. Là, il dit, oh, excuse-moi. Là. Je dis, tu connais pas la chanson? En voulant dire que j'avais peur, là. J'ai dit, heureusement, j'ai changé ma couche. C'est un numéro 3, ça pour faire 25 livres de numéro 3. Savez-vous qu'il y a deux numéros? Il y a un numéro 1 et un numéro 2. Dans mon cas, quand tu es commis dans une épicerie, tu fais des numéros 3. Décomposable. Là, tu décomposes tranquillement. Bien sûr, un hold-up, ils vont me tuer. C'est fini. Ma vie est faite et terminée. Là, il y a le grand parasol, le projecteur qui s'allume, puis l'écran, la surface écranique qui te présente les moments les plus pénibles de ton existence. Lorsque tu t'es fait taper sur les fesses la première fois, puis la dernière fois par Rita Bibelot. Oh, c'était des beaux moments, surtout la dernière fois. Là. Suspendu, c'était nouveau pour moi. Elle veut vivre des expériences. Bon, expérience. J'écoutais quand j'étais petit, Stahl. Ben, dans Stahl... François Stahl. Non, et Péris Mastal. Hein, les bizarres, là. On faisait des entrevues avec des extraterrestres, des nuages, des éclairs au chocolat, Jojo Mamard et ses belottes. Avez-vous déjà vu Jojo Mamard et ses belottes? Oh, son dernier album, Je sens la boule frire. Oh! Je sens la boule frire sur la des fesses, je sens la boule frire. Et c'est moi sans cesse qui se coule du pain. Ouais, c'est une parodie un peu, là, mais ah, quel bel album. C'est tellement chaud comme. Il faut faire jouer ça après 23 heures. Hein, faites vous coucher les enfants. Vous barrez à double amour leur porte pour pas que ça sorte, ces affaires-là. Ah, mon Dieu. Puis là, tu fais jouer ça. Ça fond, ça fond. Ah, ring, ça commence à... Et là, tu dis, on va encore faire des enfants là-dessus, là. Il y a pas juste « Je t'aime, moi non plus », là. Il y a Jojo Babar et ses 40 bobeurs. Ou Jojo Babar et ses deux flotteurs. C'est deux flatteurs, Jojo Baba. Ça trompe, hein? Et elle la trompe à cela comment? Allô, madame, ça va bien? Oui. Bon. Hey, je me sens comme Léo Rivet. Quand il faisait du bar, des blagues de bar. BR, bar. pas Benabar le chanteur, là, insignifiant, mais Bar, B-A-R. Ah mon Dieu, une poursuite. Non, je l'aime Benabar. J'ai même diffusé quelques chansons avant que Didier Wampas me supplie d'arrêter. Sinon, ben, il s'en allait. Fait que je vais continuer en empile, puis il est parti. Ah, comme un petit poulet. J'ai vérifié, puis il est pas bon à s'en lécher les doigts. Je préfère ma Jojo Babar, qui est sur la barre de l'improvisation autant que Reynald Gagné, qui est pour vous ce soir en expérimentation constante sur un fil imaginaire. Et ça, c'est compliqué, là. Trouve-toi le fil imaginaire, Raymond. Trouve le fil imaginaire et trouve-le. Regarde, essaie de... Observe autour de toi. Il est tout mêlé. Il est tout mêlé. Je te dis qu'il cherche sa barbe. Je t'ai plus de barbe. Hey, ça fait 22 ans, ta bonne femme... ta femme t'a dit « Coupe ta barbe. Je t'ai coupé ta barbe. T'as peur d'elle, en monde. Elle respire, et puis tu dis à votre tuer. » C'est vrai qu'elle se brosse pas les dents souvent, puis je pense que t'as bien raison. Tiens-toi loin d'elle, parce que... C'est l'inhalation, hein? La fellation, la malinhalation. Enfin, l'oxygène qui sort d'elle, ça brûle tout, hein? À causer, puis en plus, on demande si on se met, on croit sincèrement, mais la police me l'a dit, là. On m'a dit à M. Lérand. Hey, en parlant de M. Lérand, je crois que cette dame poursuit sa vocation de faire brûler tout ce qui l'entoure. Et surtout lorsqu'elle manque d'hygiène dentaire. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Et c'est peut-être la dernière histoire de mon scooter parce que je l'ai rangé pour l'hiver. Mais j'ai peut-être d'autres péripéties. Paris, c'est pas ici, là. Ah non. Ah non, tu passes deux trous d'eau, t'évites Pierre Elliott, puis justement lui, là. Puis tu y vas à Vaquebredouille en chantant Valora la lurette, la mer que je vois branler le long des bols blaires. Ah, le reflet, la main. Je marche, je fonctionnais, je roulais. Je marche pas en scooter, moi, je roule. En direction de mon ancien boulot, où j'étais esclave, pour 18 femmes qui étaient, bien sûr, en instance d'amour. Et donc, Giono, j'ai lu Giono, c'est gigantesque. Quand j'étais adolescent, j'ai absolument rien compris. C'est comme le boutonneux de, comment il s'appelle, donc, le chrétien, puis il y avait le fils, l'autre, là. C'est pas Giono, c'est... le baiser du lépreux. Le baiser du lépreux, Raymond, baiser du lépreux. T'as jamais rien lu à part la recette de Mme Brassard à faire son sucre à la crème, ouais. Le baiser du lépreux de Mauriac croyant et son fils, que je viens d'éternuer maintenant, mais j'ai fermé le son parce que je commence à voir la technique. Et donc, je roulais en scooter en direction du boulot. Lorsque tout à coup, je vois des gyrophares de police. Donc, je me suis dit, ils sont sur une affaire. Bang, bang, bang. Bon, les coups de poing d'habitude. Bon, il y avait du sang, un policier. Dans le nord, légitime défense, c'est bon. Je poursuis, puis là, je vois une autre voiture de police. Et là, les gyrophares toujours, dans un bar, sur la 4e avenue. Un ancien bar de crotté, là, qui est devenu un bar brunge. En tout cas. Et puis là, j'entends... Salut Rénal, dans les haut-parleurs de la voiture de police. C'était mon ami José qui me faisait un petit salut. José la police. Sympathique personnage qui va simplement qui venait me voir lorsque j'étais caissier dans une demi-vie. À Limoilou, dans le quartier de la Paris-Papé. Et qui passait au guichet uniquement pour passer au guichet. Des fois, bon, écoute, il y avait quelques sous de libre, donc il m'achetait une bouteille d'eau ou le silence. Hey, tu parleras pas que j'étais au guichet pendant mon heure de travail? Ben, non, j'ose, regarde. Puis en plus, là, ça, on demande à l'instance s'il y a beaucoup de José. Il y en a pas, il y en a juste un. Mais on peut pas, on censure pas. Ben, il va pas au guichet. Il vient discuter pour prendre des informations sur des énergumènes que j'ai peut-être rencontrés lors d'une vie souterraine. Parce que j'ai déjà été souterrain. Avant d'être jardinier, faut-tu connaître... Non, mais il faut connaître la racine avant de la faire pousser, là, madame. Voyons donc, toi. Je te tutoie parce que t'es une imbécile heureuse, là, comme la majorité. Hey, pour être au courant de la vie de la carotte, si t'es pas en bas, là, comment tu peux savoir comment la carotte peut se réjouir quand les racines lui poussent, bon, hein? Moi, je le sais. Pardon? On dit pardon. Pardon? Moi, je le sais. Pendant 3 ans et demi, j'ai été underground, sous la terre. Pas la terre et sous, j'étais sous la terre, sous le cratère d'un million de futurs. Et des imbéciles vestons m'ont dit, on t'invite à une drôle de réception. Voyons donc, c'est mon gazou. Dans les papilles, les ruisseaux, ils cherchent. Ça paraît-tu qu'il y a du son de recherche? Il y a du son, madame. Il y a du son de recherche. Il y a du son. Arrête le son. Non, c'est le son qui donne ses sensations de faire de la radio sonore. Et c'est si bon, c'est le chant. Mais en parlant de chant, quand j'étais petit, vers 22-23 ans, j'haïssais les leçons. Apprendre par cœur, non. Je vous l'ai déjà raconté, La Fontaine, je lisais une fois, et lorsque mon tour était... Exactement. Lorsque c'était rendu à mon tour, j'avais lu, donc je connaissais l'histoire, je connaissais les gags, les petits gags. Chanter maintenant, non, c'est danser. Mais moi, c'était chanter. Valdoli, chantez là. Puis là, le professeur m'a donné des belles notes parce que il dit c'est pas du tout le texte. Mais c'était dans la version, c'était dans la lignée du texte, mais à ta manière. À ta manière. Mais c'est parce que tu es un jeune. T'as plein d'imagination, tu vas peut-être faire de la radio et encore mieux à CKRL, je te le souhaite, c'est la meilleure, pas la cote dans toutes les commerciations. Porjet FM, c'est Pap FM, c'est-tu de l'FM, tu me fais de l'effet l'FM, mais l'FFM, FFM, non, tu sais, c'est CKRL qu'il te faut, toi. La première, attention, madame. Madame, c'est la première association entre moi et la radio, mais c'est également la première radio associative. Il est fatigué avec ça, il dit ça à tout le monde en France. Il se promène avec son micro, il dit « C'est quoi, la première radio associative à Cavani au monde? » Arrête donc, t'as l'air d'un pit qui change les chapitres radiophoniques. Tu sembles être un itinérant langagier, Rénal de Néant gagné. Aujourd'hui, non, on n'est pas rendu là, c'est bon. Mais j'ai un texte à dire. Après toi, il y a nous. Deux planètes qui tentent de s'explorer. Ça, c'est Myria et moi. Là. Après toi, il y a nous. Deux planètes qui tentent de s'explorer. Deux mondes riches, jalonnés de curiosité et détonnent l'un vis-à-vis l'autre. L'autre si curieux et étrange. Tous les deux, nous cherchons l'avenir. Lorsqu'un touriste anglophone nous demande si on cause... Attends un peu. C'est quoi, là? C'était sur le rythme de... Lorsqu'un touriste anglophone nous demande si on cause anglais, il n'y aura plus de... Ah oui, oui. Ah oui, oui, OK. Oui, oui, oui, oui. Ma tête, ça m'a fonctionné. Lorsqu'un touriste anglophone nous demandera si on cause anglais, il n'y aura plus de misère et on pourra dire au grand jour qu'au Québec, on s'exprime avec la langue de Miron, Vigneault, Flynn, mon oncle Serge, Chartrand et tous les autres. Quand les anglophones pourront comprendre qu'à Québec, c'est Molière. Et c'est pour eux, Shakespeare est le roi. Vous vous trompez encore. Mon frère, je demande au vice-président des subalternes de mes neurones de cesser toute activité pour ressembler le plus possible au genre humain. Merci d'avance pour l'exécution de ma proposition. Tu veux que je répète? Hein? Je t'ai fait répète. Sam et répète. Semaine after bin. Les bébines de l'archiduchesse ont acheté les bébines de Marjo Boileau. Ouais. Je demande au vice-président des subalternes de mes neurones de cesser toute activité pour ressembler le plus possible au genre humain. Merci d'avance pour l'exécution de ma proposition. Proposition. Une petite proposition à te dire. L'opéra, la pire musique, selon moi, qui ne peut exister. Il y avait deux insignifiants aux cheveux courts, aux lunettes rondes, puis à la cinquantaine, dans une voiture de riche qui écoutait de l'opéra à 8 sur 10. Ça se cassait la même. Je sais plus, il me devait 25$, puis il était là devant sa voiture, puis il écoutait. À un moment donné, je le regarde, là. Je le regarde, là, avec mes yeux de junkie, là, je regarde, là, en disant, les terres, on a un petit, moi, j'ai un petit, moi, j'ai un petit, moi, j'ai un petit, moi, j'ai un petit, moi, j'ai un petit. Juste un regard, là. Il était découpé en 8, il est rentré, il saignait. Ben, excusez-moi, on écoutait l'opéra, bien oui, mais l'opéra, hey! T'es pas obligé d'emmerder le peuple à minuit avec ton opéra, toi, là. Avec ta décapotable, ferme le son, ferme ta décapotable, puis ferme ta bouche, puis donne-moi de l'argent. Bon, va-t'en, bye, bon. Qu'est-ce que ça mange en hiver? moi, ça mange la mouche blanche. La mousse blanche. La mouche. Tu veux dire? La mouche blanche. Où t'as trouvé la mouche blanche? Bien, sous la neige. Marie-Lou se brouse sous la neige, et je me dis, et je me redis, que de ces dessins d'enfant que neige, toucher la figure de Lee. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Lenéant, gagné aujourd'hui le vendredi, oui, le vendredi 13 novembre. Veux-tu regarder sur ton calendrier numérologique, calendrier mensuel? Vous me devez 3 mensuels. Le 13. Pourquoi tu écris le 14, mon insignifiant? Le 14, c'est samedi. Ah, en tout cas. 13 novembre, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions. Les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour de l'humoriste, entre guillemets, là, on le catalogue, on le surnomme, on le prénomme, on dit de lui qu'il est humoriste. Je cherche encore l'humour. Pascal Légitimus. tout le monde est en train de dire hey, « Pascal Légitimus, oh, il est drôle, il est sympathique! Oh! » Ah bon. Est un humoriste, acteur et réalisateur français né le 13 mars 1959 à Paris d'une mère française d'origine arménienne. Vous allez l'entendre, il va parler d'Arménie. Sans Charles Aznavour, et d'un père antillais. Il fait partie du célèbre trio comique Les Inconnus, et j'ai dit en... peut-être... d'une manière... comment t'appelles ça, donc, quand t'es... inconscient? J'ai appelé ça Les Innocents. Vous allez entendre. L'innocent est de... Okay. Et puis, donc, en juillet 2015, CKRL et Errance Reynaldienne se trouvaient là, à Paris, pour rencontrer ce personnage des plus déplaisantes. Un voyage chargé pour cette nuit, chargé d'étoiles, et vous êtes l'une d'elles. Faut-il s'arrêter ici et laisser la chanson nous enchanter? Oui. Alors, place au mot, place à l'humour et place à l'air bain. Interdit d'entrer, parler ou fumer, être sans papier, même s'allumer. Parler c'est l'affaire de tout un chacun, fumer calme les nerfs, angoisse et chagrin. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais tu as à lever un tac. Monsieur Nabokov, pour notre télé, buvez à Smirnov, déguisé en dé. La télévision bannit le plaisir. Famille et ronron, cesse ou s'abstenir. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle, mais tu as anxiété attaque. L'enfer c'est l'État, le tyran public, et toutes les soies des en république. La loi s'est tuée, tous les tiers états, fumer prohibé, et même en HP. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais j'ai anxiété attaque. Pur Alex Sedlex dans la pollution et toutes les ex pulsions, plantation. Très bientôt musique, amour, poésie seront interdits par tous ces maudits. C'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Méga anxiété attaque. Amour, poésie seront interdits par tous ces maudits. Moloch passed the message to the behemoth, whose master passed it on to Zebedee. It was sent by internet, by obscure protocols, to its recipient, the delicious Miss G. It was early afternoon when your message came. I was slumped under the table, slightly cold. I didn't have a single stitch of clothing on. I was trembling, but my trembling was controlled. I really can't recall who I was meant to be that day. I'm an actress, I play so many roles. But the script required Miss G, that's who I was meant to be. And I was just about to pick out the clothes. When my Krishnamurti, pilgrims talk or meet. Ibsen, Lauren, Dollar, sit and let. Eunuchs at the portal, body type by letter set. Here at the epoch, let us forget. Grip my head and feel my pain. Imagine I'm the king of Spain. Imagine I'm a weapon in your sheath. East is east and west is west. New York City to Dunsinane, Polly Peach and creaming Hermit Heath. In the sturgeon caviar, in the virgin Mr. McPherson, in the cloud the rain, and in the rain the cloud. Silver beetle snuffler, cuttlefish to toffee cup. Open please your body up to my man of war. Midi language traffic jam, cunnilingus kissogram. Isn't this what messages are for? Kissing by the bridge, a babbling brook and chock-a-block fridge. Favorite restaurant you'll below. When we go, slip under the table and begin to blow me down, gyoza, my favorite snack. Dip it in the soy sauce, slip it up your crack. Goes the whip, boys, crack, it's crack. Miss G has a whip when you stick it in your ass. No questions, tell you no lies. It isn't exclusively all about size. Did you ever see a rock star giving up slides? Or a nuisance, bees or worse? If you all got money, put it in a purse. My lips are speaking with a belly belly take. An umbrella, what terrible weather. And we might get wet, and we wouldn't want that, would we? By many names I've been known. Gil Martin, also Don Van Fleet, Giovanni, Mantovani, Barry Manilow. I could go on. Please do. It was early afternoon when your message arrived. Une journée bien remplie. Oui, bah comme d'habitude. Ah ouais? C'est pas l'intérieur peut-être? Non, je préfère ici. Déjà, c'est bah, peu importe, c'est des micros qui captent le son uniquement des... Non mais c'est toi qui décides, ça me dérange pas. Ok. C'est pour les indiscrétions, on appelle ça. Ah, des indiscrétions? Oui, oui. Comment ça? Il y a des gens à proximité. Ah, mais on les entend pas. Mais eux, ils nous entendent. Ah, oh, ok, mais tu... okay, ça me dérange pas. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ok. Yeah. Et sinon, yeah, tout va bien pour cet été? Yeah, ouais, ça va. On se prépare. Ouais. Tu prépares un film? Ouais. Enfin, je vais jouer dans un film. Ouais. C'est de la radio ou du journal? Radio, c'est KRL et la première radio associative francophone au monde. La première radio libre, si tu préfères. Elle est née en 74 et les gens qui ont fait les Carbone 14 ici, ben, ouais, se sont référés à ce qu'on faisait nous, à Québec. Donc, la première radio libre associative. Ah oui? Oui. Alors, ça va bien, Pascal? Écoute, je suis en forme, moi, tout va bien. Ouais. Beaucoup de travail, beaucoup de... Ouais, plein de choses à gérer. Ouais. Mais tu sors d'un spectacle solo ouais, il y a quelques mois, que presque... Il y a 10 jours. 10 jours, oui. Ouais. Et comment ça s'est passé? Très bien. J'ai joué deux fois, il y avait deux fois 900 personnes, c'était bien. Et avant ça, tu as fait une tournée avec Les Inconnus, en fait c'est un retour... On fait un film, oui. Oui. Comment ça s'est passé de revoir les anciens camarades? Ben, nous, on se voyait régulièrement, donc okay. Il n'y avait pas de surprise. OK. Et après, comment avez-vous des idées de monter sur scène, de refaire ce projet? Pour l'instant, il y en a un qui ne veut pas. OK. Qui n'a pas envie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on entend le retour des innocents, les Inconnus, excusez, on entend aussi le retour de RBO au Québec. Ouais. Tu connais ouais, RBO? Ouais, les belles oreilles. Ouais. Ouais. Et ils font un retour sur scène et en même temps, on dirait que les gens sont nostalgiques des groupes d'humour qui ont quitté. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. C'est surtout des gars, des filles qui font des one-man shows. Est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine nostalgie du groupe? Ben, il n'y a pas de nostalgie vu que le groupe existe toujours. Mm. On a fait beaucoup de choses. Là, il repasse sur une chaîne télé, pas mal de nos sketchs. Ouais. Donc, il y a encore un revival, une réminiscence. Non, ça se passe bien. Ben, on vous entend encore à rire et chansons. Oui, tout le temps. C'est, ouais. Ça fait 35 ans, c'est non-stop. Oui. Est-ce que... Ça marche? Oui. Déjà? Ben oui, déjà. Ah, OK, super. Est-ce que tu veux qu'on recommence? Non, OK. une prise et tu es la seule. Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Et depuis les années que tu fais de l'humour, déjà 34 années, 34, 35 ans? Bah, ça fait 40 ans que je travaille à peu près. OK. Et enfin, est-ce que tu voulais faire comédien? Est-ce que tu voulais faire rire les gens? Non, en fait, j'étais pas destiné à faire rire les gens parce que j'étais plutôt introverti, plutôt quelqu'un de timide. Et c'est mon père qui m'a intelligemment fait faire du théâtre comme une thérapie. OK. Pour me sortir de moi-même, pour m'exprimer. Et ça m'a plu. Alors, si en plus on peut gagner sa vie, bah, tant mieux. Bonjour. Avez-vous des oranges pressées sans glaçon? Oui. Avec plaisir. Pressées de ce matin. Ben, c'est là. Voilà. Merci. Rien d'autre, monsieur? Non, merci. Est-ce que le fait de faire rire lorsque tu étais plus gamin te surprenait? En fait, j'ai commencé à faire rire les gens au lycée. Rire des professeurs, rire des... Quand je... Non. J'étais pas... En fait, je ne correspondais pas à ce que je suis aujourd'hui. J'étais un gamin plutôt calme. Voilà, plutôt à l'école dans une moyenne de 12, 13, 14, avec des pointes à 18, parce que des fois j'avais envie de m'exprimer. Donc je suis plutôt dans quelqu'un de moyen. Et ce n'est que plus tard, vers l'âge de 14, 15 ans, où j'ai commencé à comprendre, à observer. Et en observant et en imitant les autres, je me suis rendu compte qu'on pouvait déclencher quelque chose. Et l'humour permettait aussi de s'introduire, d'être accepté par les autres. Car évidemment, moi, j'avais le problème du délit de faciès qui était très présent encore à l'époque. Donc, la musique, donc je jouais de la guitare et l'humour m'a permis de merci, monsieur. M'a permis de, voilà, de transcender tout ça. Oui, de ne pas me prendre au sérieux. Okay. Sur les problématiques que je subissais, le racisme. À l'époque, c'était encore... Même aujourd'hui, enfin, il y a Ça change pas. Ouais. À l'époque, c'était plus complexe parce que des gens comme moi, d'un point de vue épidermique, on n'était pas nombreux. Comme je l'ai dit dans mon spectacle, imagine dans la cour d'école, il y a 200 visages pâles. Au milieu, tu as un cachou. On ne voit que le cachou. Voilà. Et ça t'a beaucoup dérangé lors de ton enfance? Ça t'a perturbé? Tu en as fait une force pour... Les deux, dans le sens où je ne comprenais pas pourquoi on me différenciait, sachant que je suis un être humain, tout simplement. Oui. Par la couleur de la peau. Voilà, et on me prenait pour un étranger. On me prenait pour un Marocain, un Tunisien, un Indien. T'es né à Paris. Je suis né à Paris, mais les gens ne le savent pas. Ouais. C'est pas marqué sur le front non, qu'on mais est. Mais t'as pas l'accent. Mais en plus, donc voilà. Ils ne comprenaient pas. Je ne suis pas né en Inde, je ne suis pas né au Mexique, ni en Bolivie, ni à Québec, ni en Haïti. Donc les gens ne savaient pas d'où je venais, vu que j'étais métisse. Donc j'avais la couleur entre deux chaises. Ni noir vraiment, ni blanc vraiment, donc on se posait des questions. Donc c'est l'humour qui m'a permis de l'exprimer, voilà. C'est grâce à l'humour que j'ai fait rire les autres pour détourner le problème et me faire accepter. Est-ce que c'est là que tu t'es rendu compte que l'humour pouvait être une force? Bien évidemment, parce que l'humour permet de dire tout haut, ce que les gens n'osent pas dire tout bas. Et que l'humour permet de faire passer beaucoup de choses fortes, intelligentes, difficiles. Ça peut, mais en même temps, ça peut être l'inverse. Ouais, mais en général, pour moi, c'est un peu comme la vaseline. Ça passe. Ah oui. L'humour, c'est ça. Et le fait d'être célèbre, de surcroît, est comme un passeport. On passe un peu mieux partout, facilement. Go! Tu me dis que je suis génial. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis jolie. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis sexy. Entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Charme, entre guillemets, sans guillemets. T'as vraiment une sale trogne. Pas de guillemets. Retourne au bois de Boulogne. Sans tes guillemets. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Well, that was fun, but I'm still horny. I think I'll maybe suck on Brutus' cock for a while. Bonjour, mon nom est Paul Extase, puis je suis avec les deux cochons. Ah, toi, si toi tu t'ennuies là à la maison, là, tu peux appeler si t'as envie de me parler puis faire du dirty talk. Talk, talk, talk. Des fois, on fait du sport ensemble, puis là, après ça, quand on est fatigué, on fait ça à trois. Et pour ça, ça convient énormément aujourd'hui d'être connu. Ben, ça me convient, c'est-à-dire que je gagne ma vie, je suis contenté dans mon travail parce que je transmets, je peux m'exprimer socialement, politiquement, tout en finesse, et j'ai de l'affection en plus de la part du public. Que demander de plus? Est-ce que ça t'arrive d'utiliser la notoriété que tu as pour avoir une place au restaurant? Ou, non, pas du tout. En fait, je suis quelqu'un d'assez calme, de timide, pas timide, mais de discret. Je n'aime pas utiliser mon statut d'acteur ou de vedette pour obtenir des choses. Je trouve que c'est abusé. C'est déjà bien, déjà, d'être ce qu'on est, d'en vivre. On est quand même un peu privilégié, même beaucoup par moment. Et si on a des plus, tant mieux. Mais je ne cherche pas à avoir des plus. Voilà. J'ai été élevé un peu dans le socialisme, c'est-à-dire le partage. Voilà. Donc, Jean Ferrat, je vois chez vous. Pardon ? Jean Ferrat était un chanteur qui jouait chez vous. Oui, tout à fait. Oui. Donc du coup, il m'arrive de très très belles choses, évidemment. Quand je prends un avion, on me surclasse des fois. Dans un restaurant, évidemment. La meilleure table. La meilleure ou la table la plus discrète, la plus tranquille, où on me fait goûter. Enfin voilà, j'ai pas de souci avec ça. En fait, je fais du bien, les gens me le rendent. Ouais, c'est réciproque. Mais ta mère est française? D'origine arménienne. Arménienne, oui. Mais est-ce qu'elle diffusait à la maison de la musique de son coin de pays? Pas spécialement. De temps en temps, il y avait des chants grégoriens, des chants arméniens, qui sont polyphoniques. Oui. C'est un peu que des chants folkloriques. Mais ma mère écoutait essentiellement du Charles Aznavour, et bien sûr, des chanteurs français de l'époque. Piaf. Oui, Piaf, enfin tous les yéyés. Okay. Et du côté de mon père, c'était plutôt Henri Salvador. Vous voyez, des gens comme ça. La variété. Voilà, du jazz, du latino, de la musique brésilienne. Comme mon père est guitariste, donc forcément, avec mon frère, on joue souvent de la musique ensemble. Et tu joues ta guitare? J'en joue, oui, bien sûr, sur scène. En tout cas, je l'utilise. Ok. Est-ce que tu composes des chansons pour la scène? J'ai composé pour des gens. Moi, je suis plutôt un mélodiste, non pas un compositeur. De texte? Oui, de texte et puis aussi de mélodie. Okay. Ça m'est arrivé. J'ai composé des textes pour Sacha Distel, il y a une dizaine d'années, pour plein d'artistes, Je suis un artiste polyvalent. Polyvalent, oui. Polyvalent. Polyvalent. Mais est-ce que, en parlant de Sacha Distel, on vient te chercher pour faire des chansons ou si c'est toi qui aimais ce qu'il faisait et tu lui as proposé des textes? En général, ce sont toujours les gens qui viennent me chercher. Okay. Que ce soit pour l'écriture, pour la composition, la mise en scène. Je ne m'impose jamais. Donc toutes mes rencontres, notamment avec Anthony Cavana, Stéphane Rousseau, c'est à leur demande ou c'est via un contact. Et c'est des gens que je connaissais peu, de toute façon. Et c'est le hasard de la vie qui me les a fait rencontrer. On t'a vu à Juste pour rire un jour avec Dominique Michel, tu faisais le rôle d'un technicien qui arrivait sur scène. Ouais. Et ça passe en boucle hein, au Québec. C'est bien. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres montréalaises Juste pour rire? Ben, c'est bien parce que moi, je vais là-bas depuis 1987. Ouais. Les Inconnus, on a fait le festival Juste pour rire avec Les Nuls. Oui. En 87-88. Donc, je vais au Québec régulièrement et j'ai un très très bon ami, je dirais un de mes meilleurs amis qui s'appelle Denis Bouchard. Oui. Voilà, qui est, on va dire, c'est mon chum québécois. Et surtout, tu le prononces autrement, Bouchard. Ouais, Bouchard. Bouchard. Denis Bouchard. Et mais sinon, c'est Bouchard. Ouais, je sais bien. Okay. Il n'y a pas si longtemps, il a vu mon spectacle. Ah oui, ok. En fait, on est en relation permanente. Ok. Bah, je sais qu'il est à l'étranger avec son fils en vacances. Oui, oui, oui. Et donc, on s'échange, on a des projets communs régulièrement. Il m'envoie des textes, j'envoie des textes. Et là, on a un ou deux projets communs qu'on va mettre sur pied bientôt. Parce qu'on a beaucoup de similitudes avec Denis. Ok. Et comme par hasard, Denis a mis en scène Anthony Cavana et Stéphane Rousseau. Mais Denis, qui est comédien, entre autres, comment cette rencontre-là s'est faite à Montréal, à Juste pour rire, ou si lui est arrivé à Paris Il a été metteur en scène du festival Juste pour rire pendant 5 ans. Oui. Et comme j'ai participé quasiment tous les ans à une certaine époque, donc j'avais affaire à lui. Et notre amitié est née naturellement, parce qu'on avait les mêmes affinités, les mêmes envies, les mêmes projets. Il appréciait mon travail, j'appréciais le sien. Voilà. C'est un alter ego. C'est mon alter negro. Negro, oh oui, oui, oui. Mais voilà. C'est peut-être lui. Peut-être. Qui est ton alter negro. S'il se regarde dans la glace, peut-être. Oui, peut-être. Est-ce que tu fonctionnes au rire constamment? Tu te lèves en essayant de trouver des punches ou... Non, pour moi, le rire, c'est un. Ça fait partie de mon quotidien. J'aime l'humour parce que je ne me prends pas au sérieux. Mais je suis à l'affût, évidemment, de ce qui se passe autour de moi. J'observe. Je suis comme une éponge. Donc, pour mon travail, je récupère des données que je retransforme via mon prisme. Mais je ne suis pas là à faire de la blague, du punch toute la journée. Mais tu attends. Tu vas en magazine, tu... Oui, oui. Tu vas éponger tout ça, puis à un moment donné, lorsque tu prends le crayon, c'est là ça. Ça se passe. J'ai une banque de données permanente qui tourne en boucle. Et sur les comportements, les attitudes, les sentiments subtils. Parce que je suis pas forcément. Moi, je suis pas un humoriste. Je considère que je suis un acteur qui fait rire. Okay. Les Inconnus, on se considère comme ça. Okay. Moi, j'ai mon beau-frère qui est très très drôle. C'est pas son métier. Et pendant les noces et banquets, les mariages, il balance des blagues et des punchs. C'est lui qui fait spectacle. Les blagues de Toto, bon, mais c'est pas son métier. Donc, je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus drôles que moi. Mais après, quand on rentre dans un cadre comme le cinéma, la télévision, la radio, la musique, on est dans un cadre. Donc, il faut respecter les cadres et on fait partie d'une industrie. Donc, il y a des protocoles, il y a des. Et que tu suis. Que je suis. Que tu veux pas déroger. Ben non. Ok. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des règles. Tu peux pas jouer au cinéma comme tu joues au théâtre. C'est pas la même vibration, la même façon de jouer. Quand tu fais une pub de 30 secondes, les sentiments sont rapides, minimalistes, efficaces. Quand tu fais un téléfilm, c'est 20 jours. Un film, c'est 8 semaines. Donc. Les temps de données ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes, la manière de jouer ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Et ça, c'est les codes qu'il faut savoir pour savoir qui est qui fait quoi, la lumière, la mise en scène, etc., etc. Est-ce que tu touches à tout? Est-ce que ça t'intéresse, l'éclairage, le son, la lumière? Tout m'intéresse, moi. Okay. Tout ce qui comporte, tout ce qui comprend, qui accompagne la créativité m'intéresse. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et connaître son métier, c'est aussi le connaître de bout en bout. Sur le bout des ongles. Ça fait longtemps qu'on s'aime, ça fait longtemps qu'on niaise. Faudrait tout le temps qu'on plaise à leur barème. Je suis un peu sauvage, toi t'as besoin d'eux autres. Mais là, le tour, c'est le nôtre, le tour de notre voyage. Ma tank à gaz est pleine, mon cœur est plein d'amour. Tu n'en feras pas de peine, on va triper grand jour. Je veux vivre avec toi, tu veux vivre avec moi. Les passeports sont en loi, je te ramasse, prépare-toi. On décolle loin, loin. fort, y'a rien, rien. Y'a rien que la mort, pis elle est loin, loin. Ah ah ah ah, ouais, en bas tu. Ah ah ah ah, ouais, en bas tu. Y'a pas personne qui va venir nous empêcher de nous sourire. Y'a pas personne pour nous empêcher de nous dire oui. Y'a juste nous deux pour choisir de devenir ce qu'on veut devenir. La vie qu'on veut, si on la veut, la fleur pour vrai. La fleur notre vie, on la vit tu notre vie. charmer avec tes rêves de gloire pis tes grands yeux tristes. Mais t'aurais pu me le dire que t'avais même pas de bras, décroche encore. Errance rénaldienne sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Alors, tu vas souvent voir l'éclairagiste lorsqu'il y a quelqu'un sur scène pour voir comment il fonctionne avec, bien sûr, avec son éclairage, sa structure qu'il veut placer sur scène. Je suis à l'affût. Je suis quelqu'un de... J'aime bien me cultiver, mais dans tous les domaines. Mais tu sais aussi que lorsque tu fais un one-man show, puis il y a quelque chose, il y a un truc qui fonctionne plus ou moins bien un soir, tu vas aller voir la personne. Bien sûr, je rectifie, ou je donne conseil, ou en ce qui me concerne, pareil. Es-tu exigeant lorsque... Ben, quand c'est toi sur scène, oui, parce que ça te représente. Ben, je suis naturellement perfectionniste. OK. Quand je vois maladif quelque... ou... Non, je suis dans l'harmonie pour tout. J'ai l'harmonie. Donc, quelque chose... Tu sais parler aux gens concernés sans... Oui, je pourrais faire un très bon DRH. Parce que j'ai le sens de la formule et pour moi c'est de l'affection. Les gens qui sont sous mes ordres, ils sont pas sous mes ordres. Je suis pas le patron. On est des partenaires. C'est moi qui dirige le bateau. Voilà, on est des partenaires. Pour moi, un producteur, c'est pas mon patron, c'est un partenaire. J'apporte une œuvre, il apporte de l'argent. Et les techniciens, c'est pareil. Ils apportent leur savoir-faire. Le producteur, le faire savoir. Et moi, je suis le maître à bord qui coagule les énergies dans la même direction. Mais c'est pas des... Je suis pas un patron. Je suis pas un chef. C'est des relations humaines avant tout. Chacun apporte ses compétences. Et je suis pas là à engueuler quelqu'un. Si je dois engueuler quelqu'un, je le prends à part et je lui explique calmement. Mais je ne suis pas piqué des crises, d'égo, voilà. Mais tu n'es pas un type nerveux, contrairement à ce qu'on peut penser. T'es très calme, t'es zen. Est-ce que ça... Étais-tu comme ça au début ou si c'est les années qui t'ont... Non, je n'ai pas changé. Ah non? Je suis la même personne. T'es comme la chanson de Julio Iglesias. Tu n'as oui, pas changé? Oui, je pas changé. OK. Et tu tentes aussi de rester le même devant tes amis pour pas... C'est pas que je reste le même, je suis moi-même. Mais c'est... Ce sont les autres qui te changent. Oui, ok, oui. Qui c'est la vision de... C'est comme le phénomène de la douche. Tu n'es pas connu, tu prends une douche, le téléphone sonne. Tu sors de ta douche un peu mouillé, tu prends le téléphone, tu dis à un ami ou une amie, excuse-moi, je prends une douche, je te rappelle dans 5 minutes. Et la personne, tu ne la rappelles pas parce que tu as oublié. On ne va pas t'en tenir rigueur. Mais quand tu es une star ou une vedette, tu prends ta douche, le téléphone sonne, tu décroches, tu dis excuse-moi, je te rappelle dans 5 minutes. Et si tu ne rappelles pas la personne, tu as la grosse tête, tu es prétentieux. Donc c'est un point de vue. Mais nous, on est les mêmes. Ce sont les gens avec leur affectif qui nous montent au pinacle. Mais je connais des gens qui dans le vedettariat et la starification, changent. Mais en fait, ils ont toujours été comme ça. Ok, ouais. Étant petit, c'était l'enfant. Ils ont toujours été comme ça. Sauf que ça a révélé leur prétention, leur vulgarité, etc. Leur ego a été beaucoup plus émancipé. Donc, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire un one-man show? Est-ce que c'est les gens autour de toi? Non, parce qu'en fait, quand je m'exprime sur scène, c'est que j'ai des choses à dire. Je voulais raconter d'une manière humoristique ce métissage original caucasse-cocotier anti-arménien. Je ne pouvais le faire que par moi-même. Je ne pouvais pas le partager avec d'autres, parce que c'est mon histoire. Donc une histoire à la fois triste, émouvante, drôle, instructive. Donc c'est un seul en scène, en fait. Je joue 25 personnages. Je raconte une histoire de ma naissance aujourd'hui. Et c'est toi à 100%? Ben, c'est, ça ou semble... c'est des personnages à travers ça? Ben, c'est des personnages que j'ai connus, rencontrés. Okay. Voilà. Okay. Mais je ne pouvais que le raconter qu'à travers ma voix, ma bouche, mon humeur, mes énergies. Voilà. Pourquoi tu n'es pas avancé au Québec avec ce spectacle-là? Je suis allé jouer au Grand Rire. Oui, au Grand Rire, mais à Québec? À Québec. Ouais. L'année dernière? Non, il y a 4 ans. Ok. Et comment les gens ont perçu le spectacle? Est-ce que c'était similaire à ce qui se passait? Ils n'avaient pas beaucoup les références, mais c'est très très fort. Beaucoup de gens se sont identifiés. Ils ont dit ce qui est fort dans le spectacle, c'est qu'on rit et qu'on pleure en même temps. Ouais. Et c'est rare. C'est pas que du stand-up, c'est pas du punch. Non. C'est une histoire. Et les gens, je joue de la guitare, je chante, je danse. Je fais 25 personnages, des vieux, des jeunes, des femmes. Les gens, ils ont rarement l'occasion de voir ça. Tu faisais ça aussi dans Les Inconnus, tu faisais des... Bien sûr, je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Ce qu'a fait un peu Denis Bouchard dans Bang. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a la même énergie. Oui, c'est vrai. Vous êtes complémentaires, effectivement. Mais le travail seul et le travail en groupe, est-ce que c'est similaire ou tout est sur toi, donc la lourdeur de rendre un spectacle est plus difficile qu'avec... Tu es responsable, tu es tout seul. Parce que si tu es fatigué, les autres vont pouvoir prendre... Oui, mais ça c'est un classique, c'est vrai que... Hein? Quand tu es tout seul sur scène, tu n'as pas droit à l'erreur. Et il faut avoir un cerveau multitâche, qui contrôle tout, qui observe tout, qui fait attention. Et si tu n'es pas bien jour, tu ne peux pas te reposer sur un acteur. Donc il faut que tu sois au taquet, en forme, concentré. Donc ça demande plus d'énergie, il faut être courageux, je pense, pour monter seul sur scène. Mais moi, je monte sur scène parce que j'ai des choses à dire. Le jour où j'aurais plus rien à dire, j'arrête. Voilà. Mais tu avais quelque chose à dire par rapport à ce qui se passait ici en France au niveau politique? Pas politique, mais le métissage, c'est une notion qui était très rare dans les années 70. Oui. Aujourd'hui, on est dans l'ère Obama, Yannick Noah, Wilfried Tsonga, je dirais même Nabila, parce que Nabila, c'est une femme qui est mi-plastique. Oui, oui. Oui. Mi-femme, ouais. Mi-artiste, donc elle est métisse aussi. Ouais. Le métissage, il est partout. Okay. Quand on mélange le sucré salé, c'est du métissage. Ouais. L'eau pétillante et l'eau plate, c'est du métissage. Donc mon spectacle parle de cette notion qui n'a jamais été utilisée sur scène, le métissage. Et crois-tu que le message a été bien perçu? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'articles et des personnes qui ont appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mon environnement et ce que j'ai vécu. Est-ce que le fait de jouer ces rôles-là, tranquillement, t'ont amené une sorte de psychanalyse pour te comprendre toi-même, ou tu savais très bien ce que c'était, ce que t'étais et ce que... Non, ça m'a permis de faire le deuil du décès de ma mère, ça m'a permis de me resituer, que les gens me voient tel que je suis, et non pas qu'ils ne voient que la face, on va dire, claire, c'est-à-dire le métissage côté antillais, black. Très peu de gens savaient que j'étais arménien, et quand je l'ai révélé en 1991 à l'émission 7 sur 7 de Anne Sinclair, les gens étaient étonnés parce qu'ils ont dit « Oui, mais il n'est pas que antillais. Il n'y a pas que le côté épicé, cocotier qui ressort. » Et moi, je dis souvent, c'est une phrase que j'ai dit à la fin de mon spectacle, je suis beaucoup plus. Je suis antillais sur scène et arménien dans la vie. Ok. Et est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tes réflexions sont autres puisque tu es arménien? J'ai... Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez calme, de détendu. Les Arméniens sont comme ça. L'Antillais est beaucoup plus extraverti. Ouais. Les Caribéens, les ultramarins ont été étouffés à cause de l'esclavage. Donc aujourd'hui, ils s'expriment. Ça chante, ça danse, ça boit, ça picole, ça baise. Voilà, il y a une espèce de carence affective qui est très très forte parce qu'on mettait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ce sont des déracinés. Les Arméniens, ce sont des déracinés, mais tout en gardant l'esprit de famille. C'est un esprit clanique. À l'italien. Voilà. L'Antillais, on ne sait pas d'où il vient. Il est peut-être d'Afrique du Nord, du Sud. C'est un Gabonais, un Ivoirien. Non, l'Arménien, c'est arménien. Aux Antilles, tu as des Africains de toutes sortes qui ont été mélangés. Voilà. Donc, on va dire que la blessure est plus forte chez les Antillais. Donc il y a un exutoire qui est beaucoup plus fort. Chez l'Arménien, il y a le sens de la famille, il y a une stabilité, il y a un socle, mais il y a aussi ce besoin de reconnaissance d'un génocide que tout le monde connaît maintenant. C'est comme si on disait que les Juifs, ça n'avait pas existé, que les Syriens... Donc à un moment donné, ça, humainement, ça fait du mal. Oh, ça te remue. Oui. Cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vin, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pur. Puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre. Puis nous raserons la ville en passant. Un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de même pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps. I was a good man until my monkey suicide. I was a good man until my monkey suicide. I was a good man. Monkey suicide. I was a good man until my monkey suicide. Until my girlfriend. Until my girlfriend cried. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF. Le 89 Hall à Québec avec Reynald Garnier. Je voulais monter sur scène pour en parler. Moi, je suis résultat de deux génocides, donc doublement peiné. Donc, il n'y a que l'humour qui peut me sauver. Et doublement vivant aussi parce que vous en êtes sorti à chaque fois. C'est la politique du bouchon de liège. Plus tu l'enfonces, plus il remonte à la surface. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, c'est de la résilience. Mais malgré tout, t'es pas resté aigri de tout ça? Non, je suis pas aigri, je suis métisse. Toujours. Non, non, je suis quelqu'un de très positif. Ce qui me chagrine, c'est mon environnement, c'est ce que j'observe. C'est que je vois que le monde va mal, il y a encore de la famine, des guerres, de la bêtise humaine, de la connerie. Il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, il y a toujours des pauvres, toujours des riches, qu'on nous ment beaucoup. Qu'en fait, il y a un niveau, il y a un degré de conscience que les gens ne perçoivent pas parce qu'ils sont naïfs. Donc, il y a du boulot. Il y a encore du boulot pour essayer de... Puis peut-être que ça changera peut-être jamais, malheureusement, dû au fait que l'humain est ce qu'il est. Il y aura toujours des tirants et des tirés. C'est Gandhi qui disait ça. Ouais, mais je pense que l'harmonie, toujours quand... C'est la nature reprend ses droits. C'est comme mon dentiste qui me disait que la nature a horreur du vide. Si je t'arrache une dent... Ou si je. Ah ben, la mâchoire, la gencive va se refermer. Il n'y a pas de trou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Si on regarde un peu la numérologie, la guerre de 39-45, là, c'est pareil. On est dans les mêmes. 2014-2015, 39-45. Donc, c'est cyclique, c'est des périodes énergétiques. Si on y croit, bien sûr. Tu y crois ? Oui, bien sûr. Bah, c'est... L'harmonie est dans tout, hein. Comme le nombre d'or, etc. C'est la nature qui est comme ça. Donc, il faut suivre un peu ce que nos ancêtres nous ont légué. Est-ce que, dans le fait de jouer, tu aurais voulu faire des écoles... Académiques ? Oui. Ben, j'ai tenté les écoles académiques, mais j'ai été refusé. Pourquoi ? Parce que souvent, à cause du délit de faciès, souvent. On me disait tu veux dire quoi par là, le délit de faciès ? Ben, c'est-à-dire qu'on me disait que j'avais pas le profil physique pour entrer soit à la Comédie Française ou dans un cours, un conservatoire. On m'a toujours dit que ça serait difficile. Parce qu'il faut quand même dire qu'à l'époque, j'étais pratiquement un des seuls acteurs métis dans les années 70. Mais je vais te dire un truc, chose étrange, Normand Bratois que tu connais, ils l'ont accepté à cause de ça. Ben oui, voilà, donc c'est... Ça dépend d'où tu... Donc à un moment donné, voilà, c'est plus démagogique que naturel. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Puis lui non plus, il n'y a pas d'accent, comme toi. Non. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans la bonne vibration. Oui, c'est ça. Oui. J'ai ouvert la voie. Mais en même temps, au Québec, est-ce qu'on est plus permissif, faut qu'il y va régulièrement? Est-ce qu'on juge moins les gens qui sont différents? Ou si c'est plutôt aussi homophobe? Ben, je sais que vous avez un petit problème avec les Indiens, les Haïtiens, les Libanais, qui sont quand même bien imprégnés, bien introduits dans la culture québécoise. Mais il y a encore des gens qui ont des réflexes malaisés. Donc c'est pas tout à fait intégré, c'est pas tout à fait voulu, pas tout à fait accepté. Ce sont des réflexes de défense. Et tu le sens quand tu vas à Montréal? Parce qu'à Québec, c'est beaucoup plus blanc, francophone. Tout à fait. Bah, je le sens en observant, oui. Moi, de mon point de vue, les gens me reconnaissent, donc ça va. Parce qu'à Québec, j'ai pas ce problème-là, mais... Dès que c'est quelqu'un qui est un vrai inconnu, là, il y a une problématique. Vous êtes qui, d'où vous venez? Non, pas lui. C'est différent. On va le faire attendre. Enfin, la peur, toujours la peur. La peur de l'autre. La peur du voisin. Et ça, c'est ce qui te dérange encore aujourd'hui. Comment peut-on penser qu'en 2015, au 21e siècle, l'extérieur est plus fort que l'intérieur? On a le même sang, dans le sens où le sang est rouge. Pour les hommes, le sperme, il est blanc. On a tous le même sperme. On est conçu pareil. Après, il y a des différences notables, bien évidemment, en fonction de la culture du pays. Mais comment peut-on penser, en jugeant quelqu'un à son extérieur, qu'il est plus con, moins intelligent, moins instruit? C'est débile. Et d'ailleurs, on a des preuves tous les jours. Même les handicapés, aujourd'hui, c'est compliqué. On a peur, on dit « Ah ouais, mais on ne sait pas comment réagir avec eux. » Donc. C'est du racisme déguisé, oui. Donc, mon but, c'est de dénoncer tout ça d'une manière subtile. En même temps, en changeant... Pour rétablir l'harmonie, bien sûr. Oui, oui, oui. Puis, tu, à travers ton travail, tu y contribues. Oui. Tu poses ta petite pierre dans... Comme disait Jean-Jacques Rousseau, le comédien a une fonction sociale. Il y a l'effet miroir qui se met en place. On montre au peuple, avec des scènes de la vie de tous les jours, comment il fonctionne. Donc il peut s'auto-réguler, s'auto-juger et se remettre en question. C'est en cela que c'est utile, le théâtre, la musique, le cinéma, la culture en général. C'est pour élever les consciences. Sinon, ça ne sert à rien. Mais il y a des gens qui ont intérêt à ce que les gens ne soient pas conscients. Alors on doit les divertir. On les divertit, on les abrutit. Oui, c'est ça. On leur fait jouer de la... du ping ping bang bang. Et, voilà, donc c'est de la poudre aux yeux. Ouais. Comme dans la Rome antique, c'était du pain et des jeux. Ouais. Mais il n'y a pas de profondeur dans certaines émissions, dans certains films. De moins en moins. Donc on n'aime pas, ceux d'en haut n'aiment pas que les gens soient éveillés. Oh, oui, c'est ça, parce qu'on peut plus facilement les diriger. Oui. Plus t'es abruti, plus t'es... C'est un classique, ça. Mais il y a encore des gens qui sont naïfs qui ne le croient pas. Donc il y a du travail. Oui, mais il y en a qui sont plus crétins que l'autre. Ben oui, malheureusement. Heureusement, on n'est pas tous égaux. Hein. Non, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait choisir un film contrairement à un autre? Moi, ce que j'aime dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y ait une résonance sociale, c'est qu'il y ait du fond. Que ce soit drôle ou émouvant ou surprenant, il faut quand même qu'il y ait une résonance sociale. Voilà. Il faut que ça touche les gens. Est-ce que dans ce que tu as fait comme film, il y a certaines œuvres écrites qui t'ont déçu une fois qu'ils étaient sur la surface écranique? Non, j'ai toujours su pourquoi je faisais les films. OK. Ça n'a jamais dérapé? Non. Je ne me suis jamais considéré comme le meilleur des acteurs, mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. OK. On te prend à cause de ça? On prend parce que je suis quelqu'un, oui, d'une part, mais parce que je suis quelqu'un qui peut se transformer. Je suis un acteur de composition. Qui était malléable. Ouais, je peux être drôle, émouvant, je peux me déguiser, et on y croira toujours. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un téléfilm dramatique où j'étais accusé de viol. Les gens ne me reconnaissaient pas. J'avais pris 4 kilos, j'ai rasé ma moustache, j'ai les cheveux très très blancs. Je faisais 5-6 ans de plus. Et en fait, c'est un homme qui se sacrifie par amour pour son fils, parce que son fils est accusé de viol et il prend sa place. Le lendemain, j'ai eu des coups de fil, mais alors la terre entière, tout le métier m'a appelé en disant « Mais waouh, ouais, ce que tu as fait là, on y croit, quoi. On ne voyait pas Pascal Hechelimus. » Et je leur disais « Mais pour moi, c'est facile de faire ça. Pour faire rire, c'est plus compliqué. » Évidemment. Et les pièces sont vides à présent et je suis libre de mon temps. Faire un café, fumer un joint me semble intelligent. La chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi. Tu n'es pas ici, des murs sont disparus, tes nus, tes photos et tes meubles rococo. J'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde d'ici bas dans un building où on voulait me trouer le dos. Take the money and go, Johnny, go. Je take the money et je go. Take the money and go, Johnny, go, go, go. Je mets la clé dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort. Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi. La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme. Une menace qui me guette, un froid dans l'enclos. Je me sens prisonnier d'un immense jeu de drapeau. Je suis dans l'embarras, aidez-moi. Take the money and go, Johnny, go, go. Le petit et le gros survivre est une loi pour les rois de la rif. Attaque organisée, défoqué sur les ondes. Attaque organisée, 3 minutes, 20 secondes. Je connais les pushers les plus drôles en ville. Et je connais aussi Monsieur Cigare Davidoff qui fume des barreaux de chaises à 60$ la pof. Qui fume des barreaux de chaises à 60$ la pof. Amigos and friends, I'm pressing pause with the thought to say, you see I'm shaking up, breaking up. I'm the brand man, clapping the top of it. It's a victim with the fireball to take it higher. I'm swimming upstream from the downward spiral is a beer. Right, peace out, Mother Nature. A comma. So if you're acting like Mike, it's a big comma. Stuff in your face until you tell me it's rough. Wake up now, don't storm. Cause if you're sleeping, I'm a wake up call. But who am I to holler? I'm just robbing for the dollar. Stay retinal on your wallet and your ring around the collar. X marks the spot. We cock our lungs and we fuck up your market. One brand man come correct. A triple decker high, not to sound like heck. I beckon America unite and let your juices flow. Let's liquidate. Cause it's napalm for real that they have for the candy. Eating every fucking day, I'm told it's fun and fucking Danny. So I'm watching them eat, and then I'm watching them die. So you can push a fucking button, let another child fry. Cheetah comes as lightning, rolling this thunder. This microphone barrier from 6 feet under. I'll still plunder like a Viking striking. And I'll be smoothing every day, always licking, always liking. So you're never gonna ease in, for real you can't breeze in. My finger upon the mic and I'll be squeezing. à fond marqué ou pas prêt, narigo. Sur le tempo de Johnny Go, vertu de mon kimono rouge, couleur des billets qui te font voir la vie en rose. J'en sans regret me payer ta tête à l'embouche. Move, tu balances cette fois avant de te quoi que ce soit. Car le guichet c'est moi, automatique, je ne suis pas. Le vent c'est de l'argent, mais l'argent vivra peine à temps partiel. Vulgarité, écolo, asiatique, pique ta curiosité. Ne t'en fais pas, je ne veux point acheter la vraie richesse, c'est intellectuel. Bla bla bla, dis bien ce que tu voudras. La gamme qui sera plus forte que la mafia. L'arrivée de médicaments moins chers soulage le consommateur français. La princesse Diana accepte le divorce et cette victime additionnelle porte plainte. Un caca, un caca de dano fait tout un plat en cours. L'homme au cœur mécanique a reçu son nouvel organe. Avion abattu, Cuba accepte l'enquête. Les mains sont vides de ta couleur, de tes couleurs et de ta parano. Tu me manqueras, mais moi je repars survivre ailleurs. Adieu, je t'oublierai au détour de la vie, car il faut tout d'abord survivre au ghetto. Je reprends ma douleur pour moi seul. Je sais que tu ne seras plus là pour me soutenir au combat. Alors il fera trop froid. Alors il fera trop froid, c'est pourquoi je take the money and go, Johnny go. Oh, oh. Amigos and friends. Les amis, amigis, amigos and friends. Les amis, amigis, amigos and friends. Alors tu trouves que, ben, en fait, tu utilises cette force-là à... pour offrir ça aux réalisateurs, pour offrir ça aux gens qui... Je dis aux gens qui veulent m'employer qu'ils peuvent appuyer sur des boutons. Okay, et je leur donne ce qu'ils veulent. Je ne suis pas un acteur qui est monotâche, qui est mono-sentimental. Je peux jouer n'importe quoi. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est travaillé? Est-ce que c'est en se retrouvant avec des amis comédiens? Non, c'est depuis tout petit, j'observe les gens. J'ai cette faculté-là. Comme je ne parlais pas beaucoup, j'étais un peu introverti, silencieux. C'est des yeux qui marchaient, c'est la vista. Donc j'ai compris beaucoup de choses, les non-dits, les non-vus, les sentiments subtils. C'est ça qui m'a permis d'emmagasiner. Et encore aujourd'hui, je continue comme si j'étais à l'école. J'emmagasine des sentiments et j'essaie de les reproduire. Tu as compris jeune qu'il fallait observer. Ouais. Comment ça, tu étais solitaire? Oui. Par choix ou juste par le fait que t'étais... J'étais différent. Différent. Et voilà. Cette différence-là t'a beaucoup marqué? C'est un mal pour un bien. Oui, aujourd'hui, tu en es le bien résultat. Sûr. Ouais. Alors, tu as fait cette faiblesse, tu as pris cette faiblesse-là et tu l'as monté en force. C'est devenu une force. Ouais. Comme un handicapé qui a peut-être pas de jambes, mais il a autre chose. Ah oui, oui, oui. Steve Wonder, c'est un génie. Voilà. Oui, il n'a peut-être pas Dieu, mais... Mais en même temps, est-ce qu'on a changé le langage, on dit moins les aveugles, on dit non-voyants. Est-ce que c'est l'hypocrisie? C'est beaucoup plus respectueux. Ah, c'est plus respectueux. Oui, okay. Je pense que, comme on dit un nain, comme disait Anthony Cavalla, un nain, c'est quelqu'un qui est verticalement concentré. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus noble, c'est une métaphore. Voilà. Quand on dit sale nègre ou sale noir ou sale arabe, c'est plus péjoratif que sale blanc. Ah, oui, c'est oui. L'adjectif sale qui donne toute la saveur de l'insulte. Si tu regardes dans le dictionnaire, le mot noir, c'est très négatif. Bien si sûr. Si tu regardes le blanc. Donc déjà, vous les blancs, vous avez de la chance. Déjà sur l'adjectif. Oui. Oui, mais en même temps, être conscient qu'on est égaux, que je sois blanc, noir, jaune. On est d'accord. Moi, quand j'étais petit, je faisais de l'humour parce qu'on me disait, ouais, sale noir. Je dis d'abord, premièrement, je me suis lavé ce matin, donc je ne suis pas sale. Ouais. Et je ne suis pas noir. Je suis café au lait, marron, chicoré. Voilà. Oui, mais donc, ce qui me fait rigoler là-dedans, c'est que les gars comme moi avec les cheveux longs, OK, se font rapidement que c'est rouilleux. Oui. OK, et lorsque tu fais couper les cheveux, mais tu te laves les cheveux tous les jours, même s'ils sont longs, ouais. Et quand tu te fais couper les cheveux, ça fait plus propre. Alors, mais ils sont aussi propres, je les lave quand même à tous les ça jours. Ça fait aussi facho. Oui, c'est ça, exactement. Et puis à l'époque, quand on mettait les pantalons de cuir, ça faisait homosexuel, ça faisait fif. Oui, oui, oui. Voilà, mais ça fait tapette, fif. Ouais. oui, c'est Marlon Brando qui dans un film... L'équipe est sauvage. Oui, exactement. L'art sauvage, je sais plus, l'équipe est sauvage. Oui, c'est ça. Ah ben oui, mais... White Child, non, Easy Rider. Easy Rider aussi. Easy... Ah oui, Easy Rider. Ça, c'est un autre oui. film. Oh, oui. Avec Fonda, oui, le puis la petite scène de Nicholson autour du feu sur les extraterrestres. C'est merveilleux. Es-tu un garçon qui rit souvent, qui rit beaucoup? Ouais, j'aime bien rire, moi j'aime bien sourire. Non, et qu'est-ce qui te fait rire? C'est des détails, c'est des attitudes, des noms, des non-dits. Ouais, des choses. Je peux me marrer tout seul. Il y a un truc que j'ai compris. Okay, oui, c'est ça. Que j'ai entrevu. Il y a comme un déclic qui se forme. Puis, j'ai 10 questions de la fin parce que je sais que tu es pressé. Non, ça va, pour l'instant, ça va. Tu dois aller pour une piqûre. Ouais, la fièvre jaune. Mais ça te fait pas peur? Non, pourquoi? Ok, parce que moi, tout ce qui est piqûre, ça me. Non, j'ai fait le tétanos il y a une semaine. Voilà. Et la fièvre jaune, je pense qu'ils vont la faire là. Okay. En fait, c'est l'incubation qui est. Parce qu'on. En fait, il t'incube oui, c'est ça. Le virus. Donc c'est une réaction. Donc ton corps va réagir. Ouais. Moi, la tétanos, ça m'a duré 3 jours. Puis voilà. C'est quoi le brangourdi, hein? Un peu, mais ça va. Je suis assez solide, moi, comme gars. Ok. Ouais. Même si t'es pas. Mais je suis tonique. Je suis tonique. Ok. Il faut se méfier du mort qui dort. Exactement. Et le mortadelle. Ouais. Si tu étais. Ah, puis en plus, ici, c'est pas trop dérangeant, puisque les gens parlent pas français. Oui, j'ai vu, c'est bon. C'est quand même bien là. Est-ce que tu viens souvent ici sur la rue des Abeilles? Bah, Didier Bourdon habite plus loin. Oui. Donc on se voit de temps en temps. Moi j'ai plein d'amis comédiens ici. Oui, c'est très artistique. Ouais, et très mais bon, moi j'habite en dehors de Paris. Oui. Dans la verdure. C'est plus tranquille. Ah oui. As-tu des chevaux? Non. Okay. J'ai ma femme, c'est bon. Non. Non. Non, mais voilà, c'est okay. une joke. Est-ce que ça prend autant de foin? Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. De l'eau. Parce que pour moi, l'eau, c'est l'or de demain, c'est précieux. Si tu étais une ville. Une ville? Là, j'aime bien Montréal, sans être faillot. Je trouve que quand je suis là-bas, je suis détendu. Ben, là, tu l'es quand même pas mal. Ouais, mais Paris est beaucoup plus pollué, beaucoup plus stressant. Je trouve que Montréal. Quand je vais à Montréal, je vais au Commensal. Le restaurant bio. Oh, comme salle, ben oui, c'est végé. Ouais, j'adore ça, moi. Ah, t'es végé? Entre autres. Ok. De plus en plus. Ok, donc ce qu'on fait aux animaux. Ouais, ça me touche. Okay. Savoir qu'on mange des choses mortes, qu'on était stressés, voilà, je trouve ça. C'est à l'abattoir, c'est ça. Ouais, c'est. Voilà. Puis les droits des animaux chez nous, ça commence à légiférer. Ici, c'est quand même assez récent. Ouais. Mais on va y venir. Il faut, hein? Ouais. Parce que c'est important. Un chien est aussi important que, bien sûr. Que n'importe qui. Si tu étais une langue. Une langue? Je ne serais pas une langue de pute, ça c'est sûr. Ni une langue de bœuf. Ben, Dreyfus a dit une langue de cochon. Non, mais une langue de porc. Une langue. L'arménien, c'est une jolie langue, je trouve. Ok. Tu en parles. Genre, je le comprends, je le parle un tout petit peu, mais je le comprends. Est-ce que tu veux commencer à réapprendre l'arménien parce que tes parents... Je vais dire une bêtise, parce que je pense que ça sert à rien que je l'apprenne, mais en tout cas, j'ai les notions. Là, je vais aller en Arménie bientôt, donc je vais commencer à apprendre des notions. Mais apprendre une langue, c'est tout un... moi, j'aime bien faire les choses parce que c'est utile. Donc l'arménien, je le connais. J'identifie. Alors tu comprends lorsqu'on te propose quelque chose? Oui, quand il y a une conversation, je peux la comprendre. Mais d'apprendre la langue de A à Z, tout le... Voilà, j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Est-ce qu'on te demande d'aller jouer là-bas tes numéros? Non. Moi, j'y vais certainement jouer mon spectacle. En français? En français, parce que là-bas, il y a des Arméniens. Ouais, francophones. Voilà, francophones. Ouais. Voilà. Combien de pourcentage francophones en Arménie? Je ne sais pas. Okay. Ça, je peux pas dire. C'est un petit peuple. Hein. Ils sont quoi, 5-6 millions à peine. Ouais. Donc, 2-3 000? Moi, je ne sais pas. Ah, tu sais pas. Okay. Alors, c'est le public qui sera là. Là-bas, ils parlent russe, souvent. Je ne sais pas. Et pour toi, ça t'intéresse de voir la réaction de tes semblables? Oui, c'est pour la transmission. Ouais. C'est important. Et est-ce que tu crois que les gens vont rire au même endroit qui... Ça, je ne peux pas dire à l'avance. Ça, l'humour, c'est le seul problème dans l'humour, c'est que... On écrit des choses et on ne connaît pas l'impact que ça va avoir. Autant une fille, je vais la violer, lui arracher le bras, lui crever les yeux, je suis sûr que les gens vont réagir, soit pleurer ou réagir. Mais l'humour, c'est là où c'est une cascade permanente. Nous, ça nous fait rire, mais après... Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Malgré les morts gisant dans la poussière, les flamants roses éclatent de lumière. Comme les montagnes s'allume dans le noir, sous la lueur lunaire, dans la neige du soir. Quand les corbeaux se meurent pour un bout de terreur, les flamants roses s'en vont vers le soleil. De tester auprès des amis ou si tu fais des spectacles, ouais, dans des petits comités, voilà. Et les gens sont quand même assez fins pour te dire bon ben celui-là tu devrais le couper, mais... oui mais en même temps mon spectacle ça fait 3 ans que je joue là, il est au point. Ah oui, mais au début il faisait 2h30, normalement il fait une heure et demie incluant les chansons et tout ça. Bon, mais une fois que tu as fini ton spectacle, est-ce que tu te sens libéré? Est-ce que tu te sens heureux, travail accompli? Si j'ai bien travaillé, ouais. Si j'ai fait des fautes. Mais après 3 ans, tu en fais de moins en moins? Oh, ben, quasiment c'est, pas, ouais. C'est quand même assez mécanique? Non, mais c'est travailler, réfléchir. Il ne faut pas oublier le plaisir là-dedans. Oui, oui, oui. Puis avoir l'air spontané aussi. Ouais, ouais, ouais. Avoir l'air capable d'improviser. D'ailleurs, j'ai une panne de micro dans mon spectacle. OK. Et j'ai pu improviser, les gens rient. Donc voilà, c'est. Il faut être à l'aise. Et tu veux-tu recréer ce malaise-là du micro qui flanche non. À chaque... Oh, non, non, okay. Je suis pas... Ça... Non, parce que c'est trop facile. Est-ce que c'est... J'aime pas la facilité. Ah, c'est bien ça. C'est bien parce que ça nous amène plus loin. La facilité, c'est des tics nerveux qui... Et tout le monde peut le faire, surtout. Moi, j'aime pas être dans la masse, faire comme tout le monde. J'aime bien avoir mon propre univers. J'aime bien que ça parte de moi. Mais imiter les autres, ou prendre des jokes, ou voler, c'est pas le genre de la maison. Ah, tu es loin d'être à McDonald's. Oh là, je sais pas. Pas moi qui te dis. Ouais, non, non. Est-ce que le spectacle sera en DVD un jour? Le spectacle sort en novembre en DVD et il passera à la télévision à partir de septembre. Il y a ici, mais pas au Québec encore. Sur trois chaînes. Je veux... Éventuellement. Éventuellement. Il faut que je vois les accords. Par les télé payantes comme, ouais, comme Canal Plus ici. Peut-être. Oui, oui, il y a pas de problème. Si tu étais une époque. J'aime bien le 18e, le siècle des Lumières. On est dans le 18e, le 18e arrondissement. J'aime bien le 18e. 8 et 1, 9, c'est une fin de cycle. Ouais. T'es très numérologie. Je suis tout, moi. Tout m'intéresse. Je dis pas que je n'y crois pas, je dis pourquoi je n'y croirais pas. Okay. C'est pas le même processus. Voilà. 18e. Mais es-tu du genre à focuser sur certaines choses, les extraterrestres, non, ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse. Je trouve ça logique. Pourquoi on en parle? C'est qu'il y a une raison. Il y a... Tu parles des extraterrestres? Oui, par exemple. Pourquoi on parle d'extraterrestres? C'est qu'il y a eu... C'est pas un mot qui est venu comme ça, qu'on a inventé. Les hommes n'auraient pas pu l'inventer comme les dieux. Voilà, et puis ça, penser qu'on est les seuls dans l'univers, c'est de la prétention. Ok. Ah, t'as peut-être un semblable ailleurs sur la planète. Un double. Un double. Ouais. Un double. Qui fait une interview là en même temps. Ah, mais peut-être sur CKRL, qui est la première radio associative de la boule, je sais pas. Ou autre chose que CKRL. Mmh. Si tu étais un mot. Harmonie. Pour longtemps, parce qu'on a besoin. Et dans l'harmonie, peut faire Arménie aussi. Ah oui, c'est associé. C'est maternel. Ah oui. Si tu étais un aliment. Un animal? Un aliment. Aliment. Ah, un aliment, pardon. Oui. Un aliment. J'aime bien le raisin. Vert, rouge? Blanc. Raisin blanc. Parce que on peut le manger en plusieurs fois. C'est, tu prends un raisin, deux raisins. Tu manges une pomme, bon, c'est une pomme. Ouais. Un abricot, c'est un abricot. Il y a des concours, hein, combien de raisins dans la bouche? Eh bien, disons. Et tu me diras quoi ton score. Et c'est sur un réseau états-unien, un talk show. C'est 32 et c'est la fille de Elvis Presley, Priscilla. Donc, si tu... Non, mais c'est bien savoir, hein, c'est une culture personnelle, ça. Si tu étais un membre corporel... Un membre corporel, les yeux. Pour l'âme. Parce que les yeux, pour moi, c'est grâce aux yeux que je fais ce métier. Je préférais ne perdre l'oreille, mais pas les yeux, s'il y avait un choix à faire. Si tu étais une saison. J'aime bien le printemps, parce que le printemps, on voit les choses naître. Voilà. Et c'est peut-être la renaissance aussi, le printemps. Il y a un peu de ça, ouais. Tout peut recommencer. Ouais, ça bourgeonne, ça vit. Enfin, en tout cas, on voit la nature s'épanouir. Ah non, la rentrée, c'est l'automne, on voit la nature mourir. Ouais. L'hiver, elle est cachée. Et l'été... L'été, on pense plus à soi qu'à la nature, l'été. Ouais. Et jusqu'au printemps, c'est une des rares saisons pour moi qui porte le mot saison, qui légitimement a le droit de s'appeler saison, parce qu'on voit la nature vivre. L'hiver au Québec, comment tu la trouves? Moi, je suis allé là-bas, il faisait moins 40. Moins 40, oui. J'étais à l'hôtel Sakakomi, en vacances. J'étais à North Atlet chez Denis Bouchard aussi. Tu as fait de la raquette? J'ai fait du... Ouais, de la raquette. J'ai fait du... Ah oui, le skidoo. Skidoo. Alors, la motoneige. Avec la chanteuse, comment ça s'appelle, québécoise, de comédie musicale. Linda Lemay. Non. Qui avait fait Jeanne d'Arc à une époque. Jeanne d'Arc. Ouais, elle a joué dans Jeanne d'Arc. Qui est mariée maintenant avec Mutsumara. Voilà. Et le Québec, en hiver, c'est pas trop difficile. C'est le plaisir de la neige. Ben, nous, on y va 10 jours, 15 jours. Donc, c'est 6 mois, non, c'est du suicide. Là. Ouais. Et la poutine? Non, je suis pas très poutine, moi. Non? Tu l'as essayé? Oui. Okay. Parce que tu dois boire de la bière avant. Ouais, mais je suis pas alcool, moi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est plus dur, la poutine. Exactement. Ouais. Not the face. Alors, si tu étais un membre corporel. Majalissa. Ah oui, okay, oui, c'est vrai. Si tu étais les yeux, si tu étais un autre individu. Un autre individu? Bah, ma mère, parce que je ne l'ai pas assez connue longtemps. Elle est morte. J'avais 15 ans. Donc il y a une carence affective qui s'est faite. Donc j'aurais bien voulu être ma mère pour vivre les choses qu'elle n'a pas vécues. Lorsqu'elle était vivante, elle était comment avec toi? Douce, affectueuse, normale, tout à fait. Très très douce. Très. Toi, j'ai une image de quelqu'un pas forcément très coléreux ou méchante ou agressive ou qui nous a élevé maintenant avec beaucoup d'amour. Moi j'ai ça comme racine affective. Et celui qui t'a élevé, c'est ton père? Mon père, et puis il s'est marié avec une belle-mère un peu plus tard, qui a plutôt élevé les trois autres. Moi je suis l'aîné, donc je suis parti le premier. J'avais 19 ans quand je suis parti de la maison pour travailler. Et qu'est-ce que tu faisais? Du théâtre. Ah, ok, déjà, tu en vivais, non? Ah, ouais. Dès l'âge de 18 ans, je faisais des spectacles, je faisais des clowns pour enfants dans les hôpitaux. C'est difficile, hein? Je fais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Travailler pour les enfants malades, c'est difficile. Ouais, mais j'aimais bien, moi. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais encore le faire? Ouais. Voir les autres heureux, ça me fait du bien et je trouve que ça fait du bien. Oui, mais même dans les hôpitaux, quand c'est surtout Sainte-Justine. J'ai une capacité à fermer les écoutilles. Ok. Moi, dans un hôpital, je suis capable d'être présent et de ne pas pleurer. Voilà. Je suis capable. Et en sortant, comment tu te sens? En sortant de l'hôpital. J'ai une grosse capacité de résilience, c'est-à-dire à la douleur, quelle qu'elle soit. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Formidable. C'est une belle épopée. Ouais. Même les choses qui ont été difficiles, je ne regrette pas parce que c'est un mal pour un bien. Ça t'a amené. Oui. Aucun regret. Et les projets à venir, il y a le film en question? Bah, j'écris un film, j'écris un spectacle. Mais le film que tu tournes, c'est le film que tu as écrit? Non, pas du tout. Ok, ça n'a rien à voir. J'écris en plus un long métrage. Okay. Non, mais dans tous les domaines, j'ai des projets. Ouais, enfin, des projets, c'est presque plus des projets. Des choses qui vont se mettre en place. Et puis voilà. Alors, tu attends peut-être les producteurs pour ton film à toi? Bah, moi, je produis déjà, donc je. Ok. Je mets le premier pas. Et puis. En cours de route, si les gens veulent m'accompagner, je suis capable de faire les choses seul. C'est ça la liberté. Et tu vas peut-être offrir ce film-là à toi seul. C'est toi qui vas financer complètement. Peut-être. Et c'est pour 2016-2017? Le film se fabriquera en 2016 et il sortira en 2017, je pense début 2017, si tout va bien. Et tu travailles sur plein de choses en même temps? Oui, toujours. Polyvalent. C'est en ébullition. Ouais. En ébullition. Tant que j'ai des choses à dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire encore que tu n'as pas osé dire ou que tu n'as pas pu dire? Ben ça, je ne peux pas le dire à l'avance, mais vous le verrez. Okay. Donc, ça reste à cogiter et à écrire. Mais Pascal, merci de ta présence. De rien. Puis, à la revoyure à Québec, à Juste pour rire. Je dois aller à Montréal au mois d'octobre, okay. Voir Denis. Qui travaille sur une grosse série, mais on va se voir le week-end parce qu'on a cette comédie musicale qu'on travaille ensemble, qui est quasiment sur la fin. Et que tu peux pas parler? Non. Okay. C'est une très bonne idée. Ok. Bon. Mais... Ça serait mauvaise si on aurait parlé. Ben oui. Je te la donnerais volontiers. Nous avons des oreilles quand même qui pourraient propager certaines choses. Oui, même naturellement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup de projets à venir. Ouais. De toute façon, le planning est toujours plein. Toujours. Est-ce que c'est toi qui provoque ça ou si ça vient tout seul? Il y a les deux. C'est-à-dire que quand j'ai pas de travail, je m'en fabrique. Parce que tu es anxieux, tu crains de ne pas... J'adore les moments de calme où il ne se passe rien. Je peux m'occuper de mon jardin, de ma famille, voyager, bouquiner, me nourrir d'esprit. C'est que, comme j'étais au sein des inconnus pendant 35 ans, j'étais dans un cadre. Donc, tout ce qui était personnel, je le mettais de côté. Maintenant que je suis solo, les projets sont éruptifs. Ça sort. Il y en a beaucoup. Est-ce que ça te surprend d'avoir autant d'idées ou tu trouves ça normal? Ça surprend les autres. Okay. Quand on voit mon CV sur Wikipédia ou même sur mon site pascallegitimus.com, les gens sont effarés de la nombre de choses que j'ai mis en scène, que j'ai faites. l'année dernière, tu faisais une pièce de théâtre, tu faisais la mise en scène avec des filles, trois filles, je crois. Ouais. Et ça s'arrête pas, parce qu'à chaque fois, je vois ton nom sur soit des mises en scène, soit des collaborations, soit des dialogues. Ouais. Et c'est toujours des gens qui viennent te chercher? Ouais, toujours. Là, je travaille avec 5 personnes en ce moment dans la mise en scène. 5 one-man shows, une pièce de théâtre que je suis en train d'écrire pour Lyon. Ça roule? Ouais. Merci Pascal. À l'arcoyeux. Salut. Est-ce que je peux prendre une photo aussi? Bien sûr. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.